Allô? Gérard, Ouais. c'est Nicolas, comment tu vas? Ça va? Bah ça va bien, et toi, t'es toujours dans les Alpes, hein? Ouais. Et ça se passe bien, la désintoxication? Ouais. Tu y es depuis combien de temps? Bah, depuis 2 mois. 2 mois, tu y es depuis 2 mois? Mmh. Bah ça va, ça doit bien fonctionner, non? Ouais. Mais c'est tout ce que ça te fait dire. Bah ouais. L'alcool, c'est quoi? C'est une désintoxication sur l'alcool, c'est ça? Ouais, y a un peu de tout. Hein? Bah, l'important, c'est que tu reviennes sobre. Et tu reviens quand? Bah normalement, fin septembre. Fin septembre, c'est une intoxication de 3 mois alors. Bah Bah après ça, t'auras plus jamais envie de boire alors. non, je pense pas, non. C'est bien. Et donc il n'y a pas de débat surprise alors pendant l'été, je suppose. Non. Merde. Et en septembre, tu reviens à l'antenne. Il n'y a rien de prévu? Bon. Ouais. En tout cas, bah, si tu reviens en septembre, on se verra à l'occasion. Bon. Et t'as pas la télé là-bas? Bah non. T'as vu qu'ils ont remplacé le Big Deal? Non, mais moi j'ai pas la télé alors. Bah ouais, mais même en septembre, il n'y aura plus le Big Deal à la télé. On verra bien. Hein. Ça t'embête pas beaucoup. Non, on verra. Bon, bah, il n'y a pas beaucoup de nouvelles, Sandy, avec toi? Bah non, elle est pas avec moi. Elle est restée à Nanterre, donc. Bah Pour toutes les vacances. oui. Bah, tant pis, bah, je lui aurais bien passé le bonjour, mais bon. Tu l'as jamais au téléphone? Ben, normalement, elle devrait m'appeler ce soir. Bon, mais tu lui passeras le bonjour, alors. Ok, ça roule. Très bien, bah alors passe encore. Moi, c'est pas trop difficile ton truc là, quand même. Non, bah ça va. Facile à vivre. Bah ouais, il faut bien. Bon, bah, j'espère que ça continuera à bien se passer. Alors, et puis on se voit en septembre, fin septembre. Ok. Bah, salut Gérard, à la Ok, prochaine. ciao.